C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des combats, je vis en liberté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et coupe, parbleu ! Avec quoi ? Tu n'as pas de couteau ? Jamais eu. Oh, c'est trop fort, tu ne pouvais pas le dire tout de suite ? Pour les renseigner, n'est-ce pas ? Les renseigner, tu m'as les renseigner. Ben, zut, on ne joue pas à la manie comme ça. Je joue comme je peux. Alors laisse-moi conduire. C'est curieux aussi, ce parti pris de vouloir toujours et quand même conduire la manie parlée. Comme s'il était donné à tout le monde de conduire la manie parlée. Tiens, regarde, Rot et Fouettard. Ils se fichent de toi, c'est flatteur et ça nous coûte une levée. Enfin, qu'est-ce que je fais ? Des sottises. Je te demande ce que je dois faire. Me laisser conduire seul. Oh, j'ai de la peine à me faire comprendre. Que dois-je mettre ? Où ça ? Sur le pli. Ah, bon, mais une crotte de chien. Un cheval ? Un bœuf ! Un éléphant ! Et cœur ? Pour moi. 4 et 5, 8 et 5, 13 et 5, 18 et 1, 19 et 1, 20 et 5, 25 et 4, 29 et 6, 35 et 1, 36 et 4, 40 et 16, 56, c'est bien ça. 22 pour nous, Marc Potas. 22 pour les invités. À qui de faire ? Eh, c'est à Fouettard. Voyons, où diable est mon tabac ? Dans ma poche. Oh. Le voici, simple distraction. C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des canons, je vis en liberté. Non, tu nous rases, tu sais, avec ton forgeron de la paix. Mais pour sûr, tu nous rases, non, mais c'est en blague, vieux. Ça ne serait pas égal de chanter autre chose ? Je chante ce que je sais. Ouais, alors tu as un répertoire restreint. La dame, deux pour nous. Bon, causons peu, mais causons bien. Comment es-tu de la maison ? Ma part. Par le roi ? Oui. Des coupes ? 2222. Attends, tu n'as pas de manille ? Non, mais j'ai les deux manillons noirs. Qu'est-ce qui te demande ça ? Tu me questionnes. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai ? Non. Si ? Non ! A-t-on idée d'un entêtement pareil ? Tu ne sais pas la conduire, je te dis, tu ne sais pas la conduire, la manille parlée. Oh. Tu la conduis comme une charrette à bras, comme une soupière, comme un tire-botte. Depuis des années, je te le répète, seulement voilà, l'orgueil, l'éternel orgueil, le besoin de briller et d'étonner le monde par des mérites que l'on n'a pas. Faire le malin et l'entendu. Oh, mais pardon, disons, voilà assez, hein. Amédée, monsieur. Ah, quoi, pas le ton et mon chapeau. Bon, ben voyons. Fiche-moi la paix, toi. Mais t'y bête. Un potasse. Tu vas pas te fâcher. Ça suffit. Enfin, t'es là que tu t'emballes. Bah, viens donc jouer. Je ne joue plus. Pourquoi ? Je passe ma vie à me faire engueuler. Allez, plein le dos à la fin. Potasse. Non. Mais reprends donc tes cartes, potasse. Si je t'ai fait de la peine, je t'en demande pardon. Non. Je te fais des excuses. T'entends ? Tu sais bien que pas un instant l'idée ne m'est venue de te blesser par des paroles désobligeantes. Nous sommes des amis, que diable. Oublie donc un moment d'erreur et reprends tes cartes, potasse. Que veux-tu ? C'est plus fort que moi. Quand je joue à la manie, je ne me connais plus. Tandis que Boubouroche a ainsi discouru, Potas, sa rancune désarmée, a rendu à Amédée son chapeau et son pardessus. À la fin, il a repris à la table de jeu la place qu'il y occupait au lever du rideau. Il reprend son jeu laissé là, et chacun des autres joueurs ayant également repris le sien, la séance continue. Donc, tu as deux carreaux, deux cœurs, le manillon de trèfle deuxième, et deux piques par le manillon. C'est bien ton jeu. Oui. Bon, cache-le. Joue à tout. Mmh. Joue à tout, crois-moi, du plus gros. Bon. Si le manillon est chez Rot, il y est. Tu vois, je lui fais un sort. Nous allons essayer le 17. À tout. Bah, ça réussit. Ah, et maintenant, attention au mouvement. C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des combats. Je vis en liberté. Laissez, vous gênez mon inspiration. Voyons, ils font la manille de trèfle, on ne peut pas les en empêcher, ça ne fait rien, ils perdent quand même. Écoute. Je vais jouer pique pour toi. Bon. Tu prendras de ton manillon et tu renverras petit pique. Compris. Pique. Au point. Tu parles. Joue pique. Pique maître. Je me défonce. D'un cheval, fais voir ton jeu. Tiens. Mets ton manillon de trèfle. Voilà. Trèfle pour toi, trèfle pour moi et cœur. 27 pour nous et 22 à la marque. 49, vous êtes dans le lac. Ouais, ça y ressemble. Encore une. Oh non. Allez, oh, la dernière. On voit bien que tu as dîné, toi. Il est trop tard, réellement. Quelle heure est-il, Amédée ? 9h20, monsieur Fouettard. 9h20, je croyais qu'il était 7h30, moi qui ai promis à une femme de l'amener au cinéma. Et moi qui ai du monde à dîner. On doit être en train de me charger à la morgue. Ouais, nous allons être bien reçus. Ah oui, ça va pas être ordinaire. Hey, Amédée. Monsieur. Combien ça fait tout ça ? 4 francs 20. 2 francs 10 chacun. 2 francs 10 chacun, c'est cela même. Mais au fait, Boubouroche, est-ce que je ne te dois pas 8 francs? C'est possible. Possible, mais c'est sûr. Bon, ça ne presse pas, en tout cas. Non? Mais non! Bon, ben, alors oblige-moi donc de payer mes sous-coupes, puis nous compterons à la fin du mois. Mais avec plaisir. Merci. De rien, de rien. Allez, à demain, hein? À demain. À propos, paye donc aussi pour moi, veux-tu? Je suis sorti sans argent, figure-toi. Je te rembourserai demain soir. Mais oui, mais oui. Ça ne te gêne pas, au moins. Oh, alors, en ce cas... Allez, au revoir, Boubouroche. Et au revoir, vieux.